Activité 7, page 119. Piste 93. A. Tu vas au supermarché? Non, pas maintenant. B. On visite le musée du Louvre ce week-end? Non, je suis désolé.